Chapitre 4e. Mondanité, 5 o'clock, clan et potin, la valse quand même. Dans une ville si coquette, on ne doit pas s'étonner de rencontrer toutes les exigences de la mode. On est bien un peu en retard, mais si peu. Le courrier de France met à peine un mois pour apporter les derniers modèles du gymnase ou du vaudeville. Maintes villes de province et des moins provinciales enviraient à Saïgon le luxe, le confort et le goût exquis du jour. Les femmes et les jolies ne sont point rares. On multiplie les occasions de se voir et de se faire voir. Chacune d'elles a son jour de réception. Les 5 à 7 de ces aimables hôtesses sont assidûment suivies, et ces réceptions sont fort cérémonieuses. Les élégantes et claires toilettes, les uniformes se pressent dans des salons vite trop petits. Les uniformes sont très simplifiés. Les officiers portent le vêtement de toile blanc avec quelques galons et boutons d'or ou d'argent. Ceux qui ne sont pas officiers croient parfois se devoir serrer dans des redingotes ou jaquettes qui s'accommodent mal à la couleur locale, beaucoup moins sombre. L'heure des visites compte parmi les plus agréables. Malgré la solennité un peu exagérée de certains salons, on rencontre, dans ces réunions, fort aimable compagnie. Mais le plaisir, parfois, n'est pas sans mélange. Quand on cause beaucoup, souvent on parle trop, et les interminables commentaires des faits divers de chaque jour deviennent parfois de désobligeants potins pour les uns ou les autres. Des clans se forment, et toute cette société, faite à souhait pour l'agrément, se plaît à la guerre de coups d'épingle. À Saïgon, malheureusement, comme dans toutes les colonies françaises et autres, faut-il bien ajouter, il y a peu d'entente entre civils et militaires. C'est fort regrettable, mais il en est ainsi depuis très longtemps. Excellente raison pour que ce mauvais état de choses continue. Le civil ne tiendrait qu'à se rapprocher, le militaire se garde. Lors de la conquête et de la pacification, le sabre faisait son office et restait maître un peu partout. C'était une légitime compensation pour une vie pleine de sacrifices, de dangers et de courage. Depuis longtemps, fort heureusement, en Cochinchine, on a sonné la victoire et, à son tour, l'administration civile mène à bien son rôle paisible, tandis que les militaires boitent tristement leurs armes, rongées par la rouille. Les antipathies, nées de cette subordination alternative d'un ordre à l'autre, n'ont pas tardé à tourner à l'aigre. On se charge de forfaits réciproques. Les civils reprochent aux militaires l'amour du panache. Les militaires tiennent rigueur aux civils de leur peu de respect du galon. Et les propos vont d'un train qui n'est pas toujours aussi calme. Cette manière, non seulement détestable au point de vue du bon accord, qui est le charme de la vie lointaine, contribue à créditer dans la métropole des échos aussi faux que peu aimables. Il est en effet fort désagréable d'entendre nos fonctionnaires des colonies jugés aussi arbitrairement par des gens à qui la frayeur du mal de mer ou les loisirs n'ont pas permis de franchir l'isthme égyptien. S'il est vrai de dire, après Madame de Sévigné, que la réputation d'un officier est aussi blonde et aussi délicate que celle d'une femme, la réputation des fonctionnaires, qui n'ont pas l'honneur d'être officiers, mérite aussi quelques égards, et il est utile de s'efforcer de ne la point ternir à plaisir. On entend ainsi dire couramment et de bonne foi que les fonctionnaires coloniaux sont des fils à papa, ayant fini de bien faire, choisis la plupart du temps parmi les flâneurs du boulevard. Heureusement pour nos colonies, rien n'est plus faux, comme s'en persuadent bien vite ceux qui aiment mieux y aller voir que croire sur parole. Sans parler naturellement des jeunes fonctionnaires sortis d'écoles spéciales et qui entrent dans les administrations coloniales par une filière présentant les plus sérieuses garanties, ceux-mêmes qui n'appartenant pas à la carrière doivent leur nomination à la faveur ou à des titres acquis autre part, sont scrupuleusement choisis, et je ne crois pas qu'aucune administration métropolitaine ait rien à reprocher aux cadres coloniaux dès qu'ils sont organisés depuis plusieurs années déjà. Je sais bien que le Basile de Beaumarchais est éternel, que de tout temps et dans tous les pays, il y a eu de mauvaises langues qui ont donné cours à leur méchanceté naturelle, mais il n'est pas moins désolant à tous égards que des bruits aussi malveillants et aussi peu fondés trouvent des oreilles complaisantes et arrêtent les esprits qui ne se donnent pas la peine de quelques réflexions. Aussi, qu'arrive-t-il, fonctionnaires et militaires élèvent souvent entre eux une barrière et se fréquentent peu. Tout le monde y perd, car la gaieté et l'animation si nécessaires aux colonies ne trouvent pas leur compte. Ces querelles se divisent en sous-groupes, si je puis ainsi m'exprimer. Les officiers de marine fréquentent peu leurs camarades des autres corps, ils les jugent trop militaires. On pourrait peut-être reprocher aux officiers du grand corps de ne point l'être assez. Quoi qu'il en soit, les officiels casquettes sont d'aimables mondains et leur peu de goût pour le militarisme leur fait moins négliger la compagnie des simples civils. Les commerçants et les fonctionnaires forment aussi leur petite coterie, trop souvent bien tranchée. Les fonctionnaires, soit qu'ils administrent ou qu'ils jugent, soit qu'ils payent ou qu'ils perçoivent, sont, à l'instar du garde champêtre, fiers de leur parcelle d'autorité, fiers d'appartenir au gouvernement. Les commerçants, et ils sont heureusement de plus en plus nombreux, ont la seule ambition très légitime de drainer les dollars et d'allonger leur boutique sur la rue Catina. La rue Catina désigne, dans son sens abstrait, tous ces gens qui viennent faire du commerce dans la colonie. L'intonation légèrement protectrice et plaisante de cette phrase a été longtemps toute notre politique coloniale. Le fonctionnaire tolère le commerçant et ne le favorise guère. Il est certain qu'à la tête des affaires, l'esprit est plus large et l'orientation moins particulariste. On se rend compte en haut lieu que nos colonies, et entre autres la Cochinchine, spécialement riches, doivent devenir d'excellents terrains pour notre développement commercial. Mais on est vraiment peiné de voir une colonie vouée à la prospérité, ainsi divisée, et souvent assez sérieusement par des querelles de corps ou de fonctions. L'indifférence et l'égoïsme coloniaux devraient cependant amener à cette vertu que les moralistes appellent charité et les philosophes indulgence. Le pouvoir central réagit contre ces idées de mesquine coterie. À l'heure actuelle, on obtient des résultats, on en obtiendra de meilleurs encore, et bien certainement l'état de choses que déplorent tous ceux qui ont quelques soucis de notre avenir colonial ne survivra pas au progrès incessant du commerce et aux grâces du quadrille. En effet, les salons où l'on danse jouissent du bénéfice de neutralité. Terpsichore rallie indifféremment tous ses fidèles et les entraîne dans un tourbillon harmonieux, loin des querelleurs et des empêcheurs de danser en rond. Une chose fort remarquable est le culte passionné que tout Saigonnet voue à cette gracieuse muse. Les bals sont fréquents et brillants. Bal officiel, soirée plus intime, tour de valse après dîner, presque chaque soir on danse. Le bal du 14 juillet, offert par le gouvernement aux populations, est naturellement parmi les cérémonies les plus brillantes et les plus goûtées. À cette fête s'étale toute la pompe officielle dans le plus beau cadre de verdure et de fleurs que puisse offrir une végétation tropicale. Le palais du gouverneur général dresse ses arêtes de feu dans un parc étoilé d'innombrables lampions aux couleurs nationales. Le haut perron, avec sa double haie de tirailleurs anamites en grand uniforme, les pieds nus, est de l'effet le plus pittoresque. Dans le grand hall, à l'entrée, se pressent des groupes d'habits noirs, d'habits brodés, de tuniques indigènes. Sous les vérandas s'ouvrent larges, pleins de lumière, les salons de jeu, pris d'assaut par des amateurs de toutes races et de toutes teintes, qui joignent fraternellement leurs coudes pour arriver à la conquête d'un des nombreux tapis verts, flanqués des deux flambeaux d'usage. L'anamite est joueur entre tous. Longtemps exploité par les jeux chinois, par le fameux jeu des 36 bêtes et par 36 autres jeux, il paraît toujours ravi de perdre le plus clair de ses piastres. En ce jour de fête, les préjugés de race sont abandonnés. Plastron blanc, tunique noire et tête chocolat échangent galamment leurs dollars. Le vrai, l'unique salon est celui de la danse. Ce vaste temple occupe le centre du palais. De trois côtés, de hautes baies s'ouvrent sur des portiques décorés des plus belles palmes de la flore cochinchinoise, et tandis qu'à travers les vérandas grandes ouvertes passe la brise doucement caressante de la mousson, l'excellente musique de la marine groupée sur un portique entraîne les valseurs sans trop les étourdir et emplit le parc. Le jardin est tout une immense splendide et je ne sais rien de délicieux comme ces nuits d'Orient pleines de tièdes senteurs et de lucioles phosphorescentes dans le rythme lointain et adouci des fanfares. Le salon du champagne est des plus fréquentés. Ce champagne, qui passe de mode en France, où l'on n'ose à peine le servir autrement que torturé dans des préparations savantes, règne ici en maître. Son pétillement vermeil stimule les cerveaux alanguis par de présentes chaleurs. Tous en boivent et en boivent à foison, et j'avoue que là vraiment, j'ai connu le charme du vin français.